Cranky's Christmas Mojo, Cranky's Dojo Game Boy Advance par Peach. On continue avec le bloc des 10, 11 et 12 du CD5 de Double the Trouble, cette compilation qui regroupe tout plein d'artistes de OverclockRemix.org pour remixer la trame sonore du jeu sur Super Nintendo, Donkey Kong Country 3. Donc, la pièce 10, c'est Can't Boss Us Around, Original Mix, Boss Boogie par Hoboka. Ensuite, Frostronics, Original Mix, Frosty Frolics par Draconiator. Et finalement, Dive Water World par Theophany featuring JJT, Prophetic, Someone Named Jeff et Zyko. Tout le monde s'est mis là-dessus. On écoute ça maintenant. Mathieu Plante, show sur C'est Fou. Acid Dive Waterworld par Theophany featuring JJT, Prophetic, Someone Named Jeff et Zyko. Au Mathieu Plante Show, il nous reste seulement deux pièces au CD5, le CD Bonus Time de cette compilation qui regroupe toute la musique de Donkey Kong Country 3, fait par des gens de overclockedremix.org. La 13e pièce, c'est The Crystal Key is Broken Mama Bird par Theophany, qu'on retrouve pas mal souvent dans cette compilation-là, mais qui est très bon. Et pour terminer, la dernière pièce, Footloose Falls, Cascade Capers Super Nintendo et Cascade Capers Game Boy Advance. Donc pour la première fois, on regroupe, on prend comme inspiration la pièce sur Super Nintendo et sur Game Boy Advance, qui étaient deux trames sonores différentes. C'est par Emulator. On écoute ça tout de suite. On Mathieu Plante Show. Thank you. Footloose Falls, Cascade Capers Super Nintendo et Cascade Capers Game Boy Advance par Emulator. Voilà qui termine le CD 5, le dernier des CD de cette compilation Double Trouble. C'est vraiment énorme. Vous aurez compris qu'on a passé 3 émissions là-dessus et on avait aussi joué le CD 1 pendant chaque semaine au début de la saison. C'est énorme. Vous pouvez télécharger ça, vous aussi, gratuitement sur dkc3.ocremix.org. Étant donné qu'on a terminé cette compilation de Double Trouble, après autant de temps et après autant de plaisir, on va avoir à passer à autre chose, mais je peux déjà vous annoncer que la prochaine compilation en vedette au Mathieu Planchot sera celle de Super Mario 64, aussi sortie sur ocremix.org. J'ai extrêmement hâte d'entendre ça, ça va être super bon. Mais pour l'instant, comme il nous reste encore pas mal de temps à l'émission d'aujourd'hui, on a divisé ça drôlement entre les émissions pour que ça rentre. Mais ce que je vais faire entendre maintenant au complet, c'est l'album Endless Fantasy de Anna Managuchi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Anna Managuchi, c'est un groupe qui sonne très très chiptune. Ils jouent avec des consoles de jeux vidéo et c'est eux qui font la chanson thème du Mathieu Planchot. Donc je me suis dit, on va écouter l'album au complet. La pièce elle-même s'appelle In the Basement. Elle va être en 15e sur le CD, qui comprend 22 pièces. Donc on va entendre tout ça par bloc de 3. Commençons avec les 3 premières pièces, bien sûr. Endless Fantasy, la chanson titre, ensuite Japan Air et finalement Ekobo pour Mathieu Planchot. We'll be right back. Kobo sur l'album Endless Fantasy de Alamanaguchi. On continue avec un autre bloc de trois. On va se rendre jusqu'à la chanson thème du Mathieu Plante Show parce que c'est eux, Alamanaguchi, qui l'ont créé. Donc écoutons dans l'ordre Planet, ensuite Viridian Genesis et finalement John Hughes au Mathieu Plante Show sur C'est fou. John Hughes de Alamanaguchi sur leur album Endless Fantasy. On avance tranquillement pas vite jusqu'à la chanson thème du Mathieu Planchot qui va jouer au complet tout à l'heure. Mais avant ça, le bloc des positions 7, 8 et 9, ben des positions des pistes 7, 8 et 9. Dans l'ordre Prom Night, ensuite Interlude Gymnopédie numéro 1 et finalement Akira au Mathieu Planchot sur Cifu. Yeah. Lola par Anna Managuchi sur leur album Endless Fantasy qu'on écoute au complet. C'est un petit cadeau qu'on se fait au Mathieu Plancheau. C'est le groupe qui a créé la chanson thème de l'émission. On va être rendu au bloc des 10, 11 et 12e pièces. En 10e, c'est SPF 420. Ensuite, Interlude Total Tea Time. Et finalement, Miaou. Tout de suite au Mathieu Plancheau. Miaou. la pièce Miao sur l'album Endless Fantasy de l'excellent groupe Anamanaguchi. Je le rappelle sans cesse, mais c'est eux qui font la chanson thème du Mathieu Plante Show. Et d'ailleurs, la chanson thème qui s'en vient dans le prochain bloc. Mais à toute fin, avant ça, il va y avoir Canal Paradise, ensuite Snow Angels, et finalement, dans ce bloc-là, la chanson thème au complet du Mathieu Plante Show, In the Basement. Au Mathieu Plante Show, tout de suite. du Mathieu Plante Show. Bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est In the Basement qui vient de terminer ce bloc où on vous présente, en fait, pendant toute cette fin d'émission, l'album Endless Fantasy de Hana Managuchi. On continue avec quelque chose qui n'est pas la chanson thème, hein? Les pièces 16, 17 et 18 de l'album. En 16e, c'est You and Me, ensuite Spacewalks America et finalement Everything Explodes au Mathieu Plante Show. Seulement c'est fou. C'était Everything Explodes, une pièce de l'album Endless Fantasy par Anna Managuchi. On écoute l'album au complet. C'est un petit cadeau que je vous offre et que je m'offre moi-même parce que vous le savez, Anna Managuchi fait la chanson thème du Mathieu Plante Show et j'adore l'album au complet. J'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vient d'entendre Everything Explodes. Cette pièce-là continue dans le prochain bloc. On va terminer l'album avec les quatre dernières pièces. Commençons avec Interlude, Still Splodin' Though. Non, c'est la continuation de Everything Explodes. Ensuite, Pastel Flags, Bozozuku GF et finalement TTB, la 22e et dernière pièce de l'album Endless Fantasy d'Anna Managuchi. Tout de suite, au Mathieu Planche. life. Everything else you've ever been told about yourself is a lie. But we are trying to wake ourselves up because we come from source energy and we are all one. We have to realize that our brothers and sisters that we're seeing in the dream are mere reflections of our inner self. Yin and yang, love and hate. People that we dislike are mere reflections of our own character defects. And the people that we like and love are true successful manifestations of our deepest, most inner self. We are thieves of light. Our mission is to thieve creation, to create positive energy on spaceship Earth. Because of you that we did all this tonight and I had a rad night. Thank you. This is The Illusion. I ran long as always, dude, because I get so fired up on the dream. C'était TTB, la dernière pièce de l'album Endless Fantasy par Anna Managuchi. Est-ce que j'ai besoin de répéter que c'est le groupe qui interprète et qui a créé la chanson thème du Mathieu Planchot? Mais si on va un petit peu se renseigner quand même, Anna Managuchi, qui est un groupe de rock indépendant chiptune originaire de New York, qui fait de la musique rapide et bruyante avec une Nintendo Entertainment System de 1985 hackée. Selon Wikipédia, ici, comme beaucoup d'autres artistes chiptune, la musique de Anna Managuchi est réalisée avec des synthétiseurs peu conventionnels, une NES hackée et une Game Boy. Cependant, contrairement aux autres groupes, Anna Managuchi utilise également une guitare électrique, une bass et une batterie par-dessus cette musique synthétisée pour créer un mélange de sons numériques et traditionnels. C'est ce qui fait que c'est un petit peu plus approchable, facile d'approche. Le groupe a composé la musique de l'adaptation en jeu vidéo de la bande dessinée Scott Pilgrim, intitulée Scott Pilgrim contre le monde, le jeu. Et encore une fois, je vous rappelle que l'album Endless Fantasy est disponible un petit peu partout. C'est super simple à trouver. C'est un des groupes les plus connus, je pense, de chiptune, sinon le plus connu. Donc, Anna Managuchi avec Endless Fantasy, c'est ce qu'on a entendu pendant cette deuxième heure du Mathieu Planchot pour terminer notre émission spéciale. Je vous rappelle aussi de télécharger la compilation Double the Trouble sur dkc3.ocremix.org. C'est ce qui termine cette édition du Mathieu Planchot. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les lundis de midi à 14h. On rappelle les mercredis à 17h. Consultez la programmation sur cifre.ca et retrouvez tous les liens et les notes de l'émission d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook sur facebook.com/Mathieu Planchot. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!